les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Chacun d'entre nous se souvient ou peut tenter de se souvenir du premier film qu'il ou elle a vu, au cinéma, dans une grande salle. Bien sûr, on peut hésiter entre deux films. On peut, parce qu'à l'époque on était tout petit, s'être endormi ou avoir eu peur, d'où la confusion possible. Mais bien sûr, nos souvenirs n'ont d'intérêt que pour nous seuls. Ils ne font pas partie de l'histoire de l'humanité ou de la culture ou de l'industrie, le cinéma étant une industrie. En revanche, les souvenirs des premières projections ont une valeur historique. Le cinématographe Lumière. Il y avait encore des témoins de ces premières représentations le 18 avril 1956, lorsque fut diffusée l'émission d'André Gillois sur la chaîne parisienne. Un écran blanc, un projecteur installé sur un escabeau, une caisse pour encaisser ce spectacle forain. Quel avenir le cinématographe? Bon, on ne savait pas trop. Soyez témoins, une émission d'André Gillois. Nous allons, si vous le voulez bien, aujourd'hui, recueillir un certain nombre de témoignages relatif au début du cinéma. Vous savez, nous savons ou nous croyons savoir que les premières représentations des premiers films ont eu lieu dans une cave du Grand Café, mais il s'agit de savoir quels étaient exactement les lieux, les films et l'atmosphère de cette époque. Nous recevons M. Hargnon qui était un des premiers spectateurs des films Lumière. Voulez-vous, M. Hargnon, nous rappeler ce que vous avez vu et dans quelles circonstances? Mon père était à ce moment-là chef au Café de Paris et chef de cuisine. Il avait son collègue qui était chef au Grand Café et qui lui dit, comme les chefs de cuisine sortaient dans l'après-midi, il lui dit, venez nous voir, il y a quelque chose d'épatant au grand Café. Mon père y est allé tout seul et puis alors il nous a emmenés, mon frère et moi, deux ou trois jours après, voir le cinéma. Alors nous avons vu les tableaux de la sortie des ouvriers, l'arrivée d'un train dans une gare de banlieue, et puis la démolition du mur et le jardinier arrosé. Puis alors il y en avait encore un ou deux, ça durait à peu près une vingtaine de minutes. Il n'y avait pas énormément de monde et on payait un franc. Savez-vous à quelle époque ça se passait? Ça devait se passer en 95 probablement, je devais avoir 12-13 ans. Et en quel mois y êtes-vous allé? Vous ne vous rappelez pas la saison ni le temps qu'il faisait? Non. Est-ce que vous vous rappelez l'aspect matériel de la salle dans laquelle ça se déroulait? C'était une des caves du Grand Café. L'entrée, c'était un espèce de rideau indien, vous savez, avec des perles. Alors on écartait, puis alors s'il y avait des bancs moleskine, on s'assoyait là, et puis ça durait, je vous dis, 20 minutes, peut-être une demi-heure. Et où était l'appareil de projection? Oh, il devait être derrière. Ah, vous ne l'avez pas vu? Non. Et ça durait toute l'après-midi, on recommençait ou il n'y avait qu'une séance? Ah non, monsieur, il y avait plusieurs séances, parce que quand nous sommes sortis, il y avait quelques personnes qui attendaient. C'était le premier permanent. Probablement, il devait y avoir peut-être plusieurs séances dans l'après-midi. Oui, oui. Et votre impression en voyant les premiers films? Mon père disait que c'était une lanterne magique animée. Oui. Et nous sommes allés pour voir ça, pour voir une lanterne magique animé. Et alors, vous avez eu l'impression que c'était une innovation considérable ou que c'était... Oh, oui, c'était de la photographie qui bougeait. Oui, ça vous a tout de même étonné beaucoup. Ah, énormément. Surtout qu'à ce moment-là, on faisait un petit peu de photographie. Oui. Avez-vous le sentiment d'un avenir pour cette découverte? Non. Non. Non. Vous n'avez pas eu le sentiment pas du tout. Se modifier, non, progresser, s'embellir et pouvoir constituer un jour un spectacle? Non, madame. Non. Et autour de vous, on n'avait pas non plus cette impression. Oh, bon. Madame Mercier, qui est avec nous en ce moment, m'a écrit pour me dire qu'elle avait assisté à la première ou à l'une des premières séances. Alors, chère madame, voudriez-vous nous dire ce que vous avez vu, ce que vous vous rappelez de ce lointain événement? Je me rappelle que c'était un magnifique dimanche, un dimanche entre les dimanches. C'était en demi-saison, il faisait un temps très aigre. Nous sommes descendus dans cette cave, ce qui était impressionnant. J'étais menée avec mon frère, ma sœur, par Un jeune oncle tout pimpant, tout frisé, qui s'est fait connaître depuis, c'était Paul Malvé. Et nous sommes donc descendus dans cette cave. Et là, nous avons vu des choses extraordinaires. Nous avons surtout vu une chose dont je me souviens alors particulièrement. C'est l'arrivée du train dans la gare Saint-Lazare. Ça, alors, c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire. Oui, on savait bien qu'il n'y avait pas de danger. Oui. Mais quand la locomotive est arrivée, on était au premier rang. Quand la locomotive est arrivée sur nous... Vous avez poussé un cri. Non, tout de même, je me tenais bien. Je savais qu'il fallait bien se tenir. Et puis après ça, quand la locomotive, toutes les voitures, toutes les portières sont ouvertes, tous les gens ont jailli. Or, à cette époque-là, le cinéma n'était pas assagi comme maintenant. Tout allait à un rythme du diable. Les gens dégringolaient, les portières s'ouvraient. Pas comme maintenant, pas raisonnablement comme maintenant. De sorte que les gens n'avaient pas l'air d'aller à leurs affaires. Ils avaient l'air de se précipiter, de se jeter. Et en dehors de l'arrivée du train en gare, est-ce que vous vous rappelez d'autres films? Eh bien, écoutez, monsieur, je dois vous dire que c'est ça le summum. Je sais qu'il y avait l'arroseur arrosé, mais ça, vous savez, les enfants, c'est très sérieux. Hein? Oui. Alors, des choses pour rire, ça ne compte pas. Tandis que la locomotive, ça, c'était... C'est très curieux, en effet, que cette jeune enfant n'ait pas remarqué le film qui était fait, en principe, pour faire rire les enfants. C'est très vrai. Mais dites-moi, puisque vous nous avez dit que vous étiez avec un homme illustre, Paul Pelvé, est-ce que vous vous rappelez quelles ont été ses réactions à lui? Oh, il était ravi. Il était enchanté. Il était jeune, il était gai. Nous sommes sortis, après ça, tous contents comme tout. Mais qu'est-ce que pensait votre oncle, Monsieur Pelvé, parce qu'il était déjà... étudiant ou professeur. Il était jeune professeur de sciences. Oui. Il trouvait que c'était une chose extraordinaire. Mais il ne vous a pas expliqué. Il voulait pas que nous soyons trop bêtes. C'est pour ça qu'il nous a emmenés. Oui. Mais on a parlé de la chose. J'ai pas le souvenir qu'il ait dit des choses difficiles pour moi à comprendre en dehors de ce qu'il y avait. Est-ce qu'il a eu le sentiment d'une chose promise à un avenir colossal? Ah, énorme. Ça ne fait aucun doute. Ça ne fait aucun doute. Il n'a pas du tout considéré ça que c'était une petite chose et que c'était une rigolade. Mais c'était un homme merveilleusement intelligent, je l'ai bien connu. Vous l'avez connu, quel homme, c'est qu'il était gentil. C'est merveilleux. Eh bien, merci infiniment, Madame Mercier. Eh bien, je vous laisse. Au revoir, merci, messieurs et madame. Au revoir, madame. Nous recevons maintenant un témoin que j'ai connu moi-même autrefois, non pas au début du cinéma, mais Monsieur Reiss, ici présent, dirigeait un cinéma dans lequel il a eu l'occasion de me placer pendant la guerre de 14, si je me rappelle bien. Et alors, lorsqu'il a entendu parler de cette émission, il m'a écrit, et le voici, « Monsieur Reiss, vous qui étiez directeur de cinéma pendant la guerre de 14, vous aviez assisté 20 ans plus tôt au début du cinéma au Grand Café. » Tout à fait exact. Alors, est-ce que vous étiez à la première séance? Non, quelques séances après, pas longtemps après, avec ma grand-mère. J'avais 13 ans, c'est exact. Et je puis vous dire qu'il n'y avait pas grand monde. On l'appelait le salon indien, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y avait des tentures murales, genre marocain. On était assis sur des banquettes en moleskine. Genre gare. Ouais. Oui. Et ma foi, le spectacle était quelconque. Et surtout, on avait l'impression qu'on était dans un spectacle forain. Le public ne s'y intéressait pas énormément, il était attiré par la curiosité. Et vous-même, quelle a été votre impression? Parce que puisque vous êtes devenu ensuite directeur de cinéma, est-ce que c'est ce jour-là que vous en avez eu l'idée ou l'envie? Oh, pas du tout. Vous n'avez pas prévu à ce moment-là Oh, pas du tout. Après, mon père était boursier, j'étais un gamin à la bourse, et puis je suis devenu plus tard, je me suis toujours intéressé au cinéma, dès cette époque. Et alors, votre grand-mère, vous avez conduit parce qu'elle avait appris cela par des amis ou par les journaux, vous ne vous rappelez pas? Elle était curieuse, elle était comme moi parisien et nous étions très curieux. Et alors, par curiosité, elle m'a dit, je vais t'emmener voir une chose nouvelle. Et je ne sais pas, la pauvre femme, si ça l'a, elle, beaucoup intéressée. Mais enfin, nous avons eu du sport, ce spectacle-là qui était de nouveau. Est-ce que vous vous rappelez les films que vous avez vus? Oui, certainement. C'était les petits films. Du reste, comme j'étais le successeur de Georges Méliès à Robert Houdin, je connaissais en principe tous les premiers films. Oui, vous les avez donc revus après. Ouais. Ah, mais ce n'était pas ces films de lui. Non, c'est indiscutablement. Mais quand on dit qu'il n'y avait pas l'arroseur arrosé, on a tort. Il y avait un arroseur. Est-ce cet arroseur arrosé dont on a tant parlé? il y avait l'arrivée surtout de la locomotive du train de Rueil qui faisait l'effroi parmi les spectateurs qui se mettaient comme ça, qui se cachaient à tête, comme à l'heure actuelle au cinérama, on a peur quand on passe à Venise sous le pont. N'est-ce pas? Mais voilà, et puis la sortie des ouvriers de lumière. Il y avait des films qui duraient 20 secondes, 30 secondes. C'était des films de 10 à 15 mètres, tout à fait nuancés par des petits films, puisque à l'heure actuelle, la Croix de Malte n'était pas inventée. C'était Georges Méliès qui l'a inventé ultérieurement. Et est-ce que vous avez vu l'appareil de projection dans cette salle? Était-il? Tout à fait dans le fond. Mais à 10 mètres. Oui. À 10 mètres. Mais qu'est-ce que vous appelez la Croix de Malte? Oui. Excusez-moi, Simone. Oui, oui. Mais... Qu'est-ce que c'est que la Croix de Malte? La Croix de Malte, c'est une question technique, n'est-ce pas? Oui. C'est pour le développement de la pellicule. Ah bon? C'est une pièce de l'appareil. C'est une pièce de l'appareil. Oui. Avant, comme elle n'existait pas, c'est le flottement que l'envoyait, ce filage que l'envoyait qui existe toujours, mais qui existe imperceptiblement à l'heure actuelle, oui. N'est-ce pas? Oui. Ce filage avec le progrès s'est atténué, mais c'est surtout grâce à cette Croix de Malte que nous avons vraiment une impression intéressante du cinéma. Oui, continuité. Continuité, oui, oui. C'est exact. Est-ce que vous vous rappelez s'il y avait une certaine publicité sur les boulevards pour le cinéma? Il y avait des vendeurs, des distributeurs de prospectus? Comment est-ce que ça se passait? Tout à fait. Aucune. C'était une affaire incognito. Et c'est dommage, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi qu'il n'y avait personne. Ça n'avait aucune influence. Du reste, ce début-là, n'est-ce pas, a été traité comme, par la suite, pendant assez longtemps, le cinéma était un spectacle forain. Puisque le statut du cinéma est resté pendant très longtemps un statut forain. Nous étions assimilés dans un domaine très, très, très, très réduit, petit, nous étions les pauvres. Et le législateur, en somme, avait eu la même impression que vous, puisque c'est cette impression que vous avez eue en entrant dans la salle du Grand Café. Oui. Merci infiniment, Monsieur Rey. Nous allons recueillir maintenant le témoignage de Monsieur Alphon. Monsieur Alphon, vous étiez au Grand Café? J'étais au Grand Café. Il me semblait que c'était au printemps parce que je crois qu'il faisait très beau. Oui. Et c'était un jeudi, ça je m'en souviens. Oui. Jeune collégien, j'étais libre ce jour-là. Oui. Et je me promenais sur les boulevards quand je vois un attroupement devant le Grand Café qui se trouve au coin de la rue Scribe, où sont les wagons-lits. Je me renseigne de ce qui se passait, on me dit c'est le premier cinéma, Lumière. Bon, je regarde le prix d'entrée, c'était 1 franc. Alors je descends dans ce sous-sol qui n'avait pas l'air très luxueux, rien du tout. Et je me rappelle 3 films. C'est la sortie des usines Lumière, l'arrivée d'un train et un jardinier arrosant et se faisant arroser lui-même par l'espièglerie d'un gamin. C'est ça, le fameux arroseur à arroser. Oui. Mais alors, vous n'aviez jamais entendu parler, avant de passer par hasard sur les boulevards, de l'existence? Oui, c'était en 95, j'avais 14 ans, je ne lisais pas les journaux. Et on n'en avait pas... Et je crois qu'on n'avait pas fait de publicité, rien du tout. Non, mais vous n'en aviez pas entendu parler autour de vous. Mais sur les boulevards, il y avait tout de même une queue importante. Il y avait une queue. Ce qui prouve que le bruit... Sur le trottoir, probablement. Oui, le bruit s'en était d'autant plus répandu que ça se passe au printemps, d'après ce que vous dites, et que ça durait depuis le mois de décembre, en somme. Oui, mais alors, était-ce en 95... Non, parce que ça n'a pas été repris en 96, ça je ne crois pas. Si, ça a commencé le 28 décembre 1895, et ça s'est poursuivi pendant la fin de l'hiver et le début du printemps 1895. Alors moi, je l'ai peut-être vu en 96. Probablement, s'il faisait si beau que cela, puisqu'il paraît qu'au contraire, il faisait très froid... Lorsque il y a eu la première... Vous souvenez-vous où était l'appareil de projection et comment cela fonctionnait? Vous n'avez pas remarqué? On descendait une espèce d'escalier comme une échelle. Puis qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait aucune décoration. D'abord, c'était très sombre. Mais vous avez remarqué l'appareil de projection ou non? Rien du tout. Non, vous ne... C'était très... Comme projection, c'était très mauvais. Oui. Ça tremblait, les gens avaient l'air de courir. Et vous rappelez-vous l'impression que vous en avez eue personnellement? Vous étiez... J'étais étonné. Oui. Et puis alors, me demandant ce que ça deviendrait. Ah bon, vous vous êtes posé la question? Ah oui, je me dis, à quoi ça sert? À quoi ça peut-il servir? Oui. Et est-ce que vous avez posé la question autour de vous? Est-ce qu'on en parlait? Non, vous savez, j'étais pas très bavard. Mmh. Alors, je sais pas, j'ai raconté ça après autour de moi, ma famille. Je dis, voilà, j'ai vu le premier film et cinéma, mais à quoi ça peut-il servir? Eh bien, merci infiniment, monsieur Alphon, de ces quelques souvenirs. Madame Forestier, que nous recevons maintenant, a des souvenirs sur les débuts du cinéma. Je voudrais bien qu'elle les évoque pour nous. Alors, madame, vous avez donc assisté au début du cinéma? Oui, monsieur, je crois tout au moins que c'était le début du cinéma. Qu'est-ce que vous avez vu et où et comment? Eh bien, j'étais chez une parente à cette époque parce que j'étais jeune, n'est-ce pas? Et je crois que nous avions entendu par la voix du journal cette transfusion, n'est-ce pas? Et nous étions avec des voisins, nous avions fait le projet d'aller voir cette chose-là, n'est-ce pas? Et ces voisins nous déconseillaient d'y aller parce qu'il faisait très froid. Moi, je me rappelle cette chose-là, il faisait très froid. Alors, on nous disait, vous allez attraper froid, n'est-ce pas? N'allez donc pas. Alors, on a quitté ces voisins en disant que, en ayant l'air de les écouter, avec la ferme résolution d'y aller. Et vous y êtes allés? Et nous y sommes allés. Où était-ce? Ben ça, je ne me souviens pas exactement où c'était. Bon, alors, est-ce que vous vous rappelez un peu comment était la salle? Je me rappelle quelques détails, n'est-ce pas, que nous faisions la queue dans une petite rue, avant d'arriver à une grande artère, et que nous étions très nombreux, et qu'il faisait très froid. Et alors, vous êtes entré dans la salle, est-ce que vous vous rappelez comment était cette salle? Cette salle était toute petite, d'après ce qu'il me semble me rappeler, n'est-ce pas, et les ingénieurs se trouvaient sur le côté gauche de la salle, n'est-ce pas? Ah ben, l'appareil était dans la salle. L'appareil était dans la salle, oui. Et alors, nous avons été très déçus. Tout le monde était très déçu. Et même nous avons vécu là une minute assez émotionnante parce que nous ne voulions pas faire voir notre déception, n'est-ce pas? Et les ingénieurs eux-mêmes voyaient quand même, n'est-ce pas, sur nos visages, lisaient sur les visages la déception des gens. Et ils étaient très ennuyés et ils nous donnaient des explications en nous disant que c'était un essai, n'est-ce pas, et que par la suite, ça prendrait des proportions, n'est-ce pas, plus grandes. Que vous vous rappelez pourquoi vous étiez déçu? Est-ce que vous vous rappelez le film que vous avez vu? Non, je ne me souviens pas du film que nous avons vu parce que nous n'avons fait que passer, d'après ce que je crois, moi. Que passer dans cette salle qui était en sous-sol ou qui était... Oui, qui était en sous-sol, oui. Oui. Ça, vous vous rappelez. Nous n'avons fait que passer. Alors, ça a été très bref, très rapide. Alors, tout le monde était déçu d'avoir fait une queue. D'abord, ça avait été très long. On avait attendu très longtemps avant d'entrer, n'est-ce pas? Et nous étions tous déçus d'avoir attendu si longtemps pour voir ça, en somme, n'est-ce pas? Mais vous n'avez pas été frappé tout de même du fait que vous vous trouviez en présence de photographies animées, que même si l'événement était peu d'importance, même si la forme était maladroite, que... Au lieu d'avoir une image immobile, vous aviez une image en mouvement. Oui, évidemment, oui, certainement, n'est-ce pas, bien sûr. Mais ça ne vous a pas autrement... Oui, c'est-à-dire que nous, personnellement, n'est-ce pas, nous étions un peu quand même enthousiasmés, n'est-ce pas, par cette chose-là. Nous. Mais enfin, c'était plutôt le public, oui. Vous étiez enthousiasmés par le principe et déçus par la représentation. C'est ça, oui. Ça n'était pas chez Dufayel, par hasard? Ah non, non. Ah non, Dufayel, c'était beaucoup plus tard, au Berlay. Oui, mais je me souviens avoir été chez Dufayel. Je ne me rappelle plus exactement la date. Ah, je ne me rappelle pas la date. Moi, je croyais, voyez-vous, que c'était vers 1907 ou 1908. Oui, alors là, ça n'était... La description de la salle telle que vous la donnez correspond à la description du grand café, puisque c'était en sous-sol, ce qui n'était pas le cas chez Dufayel. Oui. Mais évidemment, c'est très antérieur à 1907 ou 8. C'est ça. Maintenant, peut-être que ça a continué quelques années, ça nous ne le savons pas. Enfin, cette dame devait être une toute petite fille, évidemment, et n'a que des souvenirs très... Bah, j'avais, non, quand même, à cette époque-là, j'avais 20 ans. Si c'est en 1908, j'avais 20 ans. Ah bon, alors vous pouvez tout de même le fixer assez bien dans le temps. Oui, oui. Mais vous dire ce que j'ai vu, ça, je ne pourrais pas, vous savez, parce que... Non, peut-être l'avez-vous vu étant beaucoup plus jeune et... Étant... Vous n'êtes pas retournée ensuite? Je suis retournée ensuite chez Dufayel. C'est ça, non, parce que ce qui me frappe, c'est que, puisque vous dites que les journaux annonçaient les débuts du cinéma, que vous avez été intéressée par cela, ça me semble extraordinaire que ce soit plusieurs années après le début. Alors je pense que cette dame est en train de faire une confusion entre la première fois où elle y a été, beaucoup plus jeune, et les autres fois, c'est-à-dire qu'elle fait une espèce de transposition. Eh bien, merci beaucoup, madame. Nous recevons maintenant Monsieur Perrault, qui a passé une grande partie de sa vie dans le cinéma et qui a assisté au début du cinéma. Monsieur Perrault, pourriez-vous évoquer pour nous la première séance au cours de laquelle on a projeté les films de Lumière? Je n'ai pas assisté à la séance du 28 décembre parce que 1895 parce que je l'ignorais. Mais j'ai assisté à la séance du 9 janvier 1896 et j'en ai rapporté de cette séance le prospectus programme. Oui, en effet, donc, M. Perrault m'a montré le programme de cette cérémonie. Alors, je suis allé que par hasard, par une question de mes relations de parisiennes. Je dînais ce soir-là chez M. Mangin, qui était professeur de piano au conservatoire et qui avait été à Lyon quand il était directeur, professeur de piano du jeune Louis Lumière. Il était resté en relation avec le père Lumière Antoine et que chaque fois que le père Lumière Antoine venait à Paris, ils se voyaient et ils allaient au théâtre et au dîner ensemble. Et ce soir-là, il me dit, ben, vous savez, ce soir, nous allons voir une lanterne magique qui est due à un de mes anciens élèves, parce que le petit Lumière était très doué pour la musique, il avait eu un accessite de piano au conservatoire, et nous allons aller voir cette lanterne magique que nous sommes invités par le père Antoine Lumière. Alors, nous allons en rue d'Astor, nous avons été par les boulevards, en passant par les montagnes russes de l'Olympia, parce qu'à ce moment-là, la rue des Basse-Vers n'était pas construite et nous sommes arrivés, il faisait pas chaud et nous sommes restés quelque temps à piétiner sur le sol du boulevard. Il y avait une queue pour entrer? Non. À ce moment-là, il y avait, nous attendions la fin d'une séance. Séances avaient lieu toutes les demi-heures et nous attendions la fin d'une séance. Le Grand Café était installé là à la rotonde où est actuellement les wagons-lits. Il y avait une magnifique rotonde peinte avec une très belle voûte peinte par les artistes de Napoléon III, n'est-ce pas ? Et puis à côté, une très grande salle qui était aménagée en salle de billard. Il y avait une académie du lieu. Au premier étage, là, il y avait le Jockey Club qui restait jusqu'à la fin, n'est-ce pas ? La Jockey Club, alors c'était magnifique quand je passais là, avec ces magnifiques candélabres qui étaient allumés, on voyait ça du boulevard. Alors nous sommes entrés par un petit escalier en colimaçon dans le sous-sol du Grand Café et qui avait été installé un espèce de salon indien, du reste qui n'avait pas réussi. Ce sous-sol existe toujours, je vais le dire en passant. Alors là, nous sommes installés sur des chaises de café, c'était plein bien entendu, et nous avons vu toute la projection lumière, des fils lumière dont les principaux étaient le repas de bébé, la sortie des usines lumière, la mer, puis d'autres, mais pas l'arroseur. C'était à ce moment-là, l'arroseur était le jardinier, c'est-à-dire que c'est un homme qui arrosait sans être arrosé comme par la suite il est devenu. Le film de l'arroseur arrosé a été projeté quelques temps après, mais pas sur le moment, n'est-ce pas? Alors, vous dire que les gens ont eu l'air, pour dire un mot, boulevardier un peu, ils ont été épatés. Et moi-même, j'ai été épaté, comprenez bien, de la photographie animée. Ça ne plaît donc pas encore le cinéma, ce jour-là? Si, c'est le cinéma ne s'est pas appelé cinéma, au moins le brevet a été pris au mois de 13 février 1895. La première projection a eu lieu sous le nom de kinétoscope. Elle a eu lieu à la Société d'encouragement Place de Rennes, n'est-ce pas, et n'était pas nommée encore cinématographe. mais ni même le film ne s'appelait pas le film, ça s'appelait une bande pelliculaire, vous comprenez bien. Le film est devenu beaucoup plus tard, n'est-ce pas ? Et les cinématographes ont pris naissance à peu près au mois d'avril 1895, dans un brevet allemand que Lumière a pris. Alors ça ne s'appelait pas lui. Mais le mot avait été employé avant, sans qu'il sache, par une autre inventeur, mais Lumière ne savait pas. Alors, c'est Lumière qui a créé ce mot-là, mais il existait déjà au terme métier. Vous avez un appareil de celui qui a donné le nom au cinéma. Et pour en revenir à cette séance à laquelle vous avez assisté, où était l'appareil de projection ? Vous avez, c'était une séance que vous pouvez voir, parce que les locaux existent toujours. C'est le bar de l'hôtel Scribe. Alors, il y avait des chaises de café, des simples chaises de café. Aligné une centaine, n'est-ce pas ? L'appareil, c'était tout simple. Il y avait un écran blanc, il y avait un appareil, l'appareil était derrière, comme monté sur un escabeau, et puis une caisse pour recevoir les films que personne enroulait au fur et à mesure. Mais voilà ce qu'il y avait, comprenez ? Les films étaient de 15 à 20 mètres, les 10 films duraient 20 minutes, à peu près, voyez. Voilà le début du cinéma. C'est resté très longtemps comme ça, très longtemps, et j'y suis allé plusieurs fois. Et alors, est-ce que vous y êtes allé plusieurs fois, est-ce que l'étonnement était général ? Ah, ça a été, du jour au lendemain, même quand je suis allé le 9 janvier, il y avait déjà du monde, n'est-ce pas ? Ça s'était répandu sur le boulevard. Ça a été une traînée de poudre, vous comprenez bien. Alors que la première séance ne contenait que 33 personnes exactement payantes, n'est-ce pas ? Après, on a fait la queue, jour comme le soir, sur le boulevard. Ça a été. Et la preuve, c'est que quelques temps après, au mois d'avril-mai, les Lumières ont créé une autre succursale, qui est intéressante à savoir. Cette succursale existe toujours. C'est le 6 Porte-Saint-Denis, qui est devenu par la suite Pathé Journal. C'est la plus vieille, c'est intéressant parce que c'est la plus vieille salle de cinéma du monde qui soit restée tout le temps jusqu'à ce jour. Salle de cinéma, parce qu'il y avait d'autres cinémas, mais dans les cafés, ça ne s'appelle pas des salles de cinéma. Ça, après, c'était la vraie salle de cinéma et la première. La première. Et alors, le programme est resté longtemps toujours le même, à peu près. Et il y avait, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y avait pas de piano dans la salle. C'est pas vieux dans son style, dit qu'il y avait un piano, il n'y avait pas de piano. Mais enfin, j'ai été plusieurs fois, ça a été toujours à peu près le même fil, parce que Lumière a été pris de court, et il est passé son temps, les Lumières n'étaient pas venues, et il a passé son temps à Lyon à faire de nouveaux films pour le mois d'avril et mai, vous comprenez bien. Et c'est ça qui... Alors, à partir de ce moment-là, tout le monde s'est mis à faire du cinéma, à copier tous les films Lumière, parce qu'il y a eu... tous les films Lumière ont été copiés par Pathé, pas par Gaumont, mais même par Méliès. Pas, et le cinéma leur a pris une importance, pas considérable, mais boulevardière. Les cafés ont eu leur salle de cinéma. Ah, parce que chaque café a pris son appareil de cinéma. Un peu pas, chaque café, il y avait deux ou trois. Au mois d'octobre, alors c'est ouvert au Café de la Paix, à l'entresol, un autre cinéma fait par un grand photographe, Pirou, qui a donné alors à ce moment-là les films du voyage du Czar à Paris. Et puis, ça a commencé à en faire des films un peu plus importants, Le coucher de la mariée, la boulevard, sont restés comme ça. Avec toutes ces trois salles, quatre salles, pas plus. Mais la première salle de cinéma permanente du boulevard, ça a été Gapka, vous comprenez ? En 1906-7. Oui, c'était les après de 10 ans plus tard. J'ai fait du reste de cette semaine, j'ai fait un travail là-dessus, avec documents, parce que je vous parle sans documents, parce que avec des souvenirs, ils sont toujours un peu fautifs, vous comprenez bien, on peut sauter. Mais j'ai fait l'historique. Habitant rue de Roux, le promenade a été toujours ma promenade favorite, et je suis resté toujours, actuellement, je suis encore le doyen des boulevardiers, vous comprenez ? Et plutôt le dernier. Nous avons été ravis de vous connaître. Ouais. Eh bien, mes chers amis, vous venez d'entendre un certain nombre de témoins qui ne sont pas tous d'accord, et pour une fois, nous allons pouvoir parler de la valeur de ces témoignages. Et je voudrais d'abord signaler qu'au début de l'émission, je n'ai même pas situé la date, parce que je savais que parmi toutes ces personnes, il y en avait qui fixaient ça en 1895, comme c'est la vérité, et d'autres qui s'imaginaient, vous avez entendu une dame nous dire que c'était en 1907 ou 8, parce qu'elle faisait évidemment une confusion de date, ayant vu deux séances différentes. Oui, sûrement. Alors, chère Simone, quelle a été d'abord, vous, votre impression en entendant ces dames et ces messieurs ? Mon impression, c'est qu'au fond, les gens ne pensent qu'à eux. Je savais déjà ça, mais ce qui me frappe, parce qu'ils ont surtout pensé et dit s'ils avaient chaud ou froid. Mais ça, nous le savons que les gens ne pensent que c'est pas étonnement. Mais enfin, c'était assez amusant de le constater une fois de plus. Ouais. Maintenant, seconde impression, personne ne s'est rendu compte que c'était le début d'une chose colossale. Ouais. Ça, c'est... Sauf peut-être le père Pinlevé, d'après ce que nous a dit sa nièce. Oui. En effet, pas le sa nièce. C'est dû... étonnant, d'ailleurs, étant donné sa qualité intellectuelle et mentale, ça n'est pas surprenant. Ouais. Mais tout de même, est-ce qu'il était possible d'imaginer ce que ça pouvait devenir? Moi, enfin, je me rappelle très bien avoir vu pour la première fois, je crois que c'était en 1903 ou 4, j'allais jouer au gymnase ou le Bercail ou l'autre de Jérusalem, c'était donc autour de 3 ou 4. En face du gymnase, il y avait dans je ne sais quel café, en effet, à peu près à beaucoup plus haut que à la hauteur d'homme, enfin en levant les yeux, il y avait une espèce de petit carré où, à cause des lumières, on voyait d'une façon assez floue quelque chose qui devait être l'arroseur arrosé. Et je me rappelle m'être à peine arrêté. On m'a dit, voyez, c'est ça le cinéma. J'ai dit, bon, c'est le cinéma. Puis ça, Dans la rue. J'étais très, très longue à m'intéresser à la question. Je me rappelle avoir vu pour la première fois le premier film sérieux que j'ai vu. Vous allez voir à quel point j'étais en retard. C'était Le Signe de Zorro. En effet. Et alors là, avoir été absolument transportée. Oui, ben du reste, on a fait la même constatation pour la radio. La popularité de la radio comme celle du cinéma sont venues par le grand public et l'élite ne s'y est intéressée qu'à la fin et traînée par la force publique. Jean Berlet. Eh bien, c'est comme toutes les inventions, n'est-ce pas? Quand on a inventé l'automobile, vous rappelez que les gens ont dit au-dessus de 60 à l'heure, on sera asphyxié par le vent. Enfin, ça ne marchera pas, ça ne prendra pas, n'est-ce pas? Alors, c'est comme toutes les inventions, là, vous venez de parler de la radio, c'est certain, et je me dis toujours, il va y avoir cette semaine une invention à laquelle on ne va pas encore faire attention, et qui serait une invention colossale, il n'y a pas de doute. Deuxièmement, eh ben, c'est toujours le témoignage personnel, comme dit Simone, les gens d'abord ne regardent pas très bien, ils ont vu vaguement une cave, ils savent que c'est le salon indien parce qu'il y avait des tentures et on appelait ça le salon indien. Ils ont, dans le fond, pas fait très attention au film. Les uns nous disent que ce sont des chaises de café, les autres des banquettes en moleskine. Tout ça sont des détails. J'ai l'impression qu'on ne pouvait pas... Moi, j'ai vu des films dans mon enfance, vers 1910. Ça me faisait mourir de rire. On n'imaginait pas les grands chefs-d'œuvre. Et surtout les grandes choses d'actualité documentaire qu'on a vu par la suite. Ah, Berlet, on n'imaginait peut-être pas, mais puisque nous avons à peu près le même âge, je me souviens qu'à cette époque, pour un petit garçon, le cinéma était tout de même quelque chose de très important. C'était le spectacle auquel il avait envie d'aller. Ah, parce qu'il y avait des petits films. Moi, je me souviens avoir vu, la même année que vous probablement, dans les grands magasins du Fayel, des petits films comme L'assassinat du duc de Guise, Lucrèce Borgia ou Les Trois Mousquetaires. Alors, il y avait une petite histoire qui amusait les enfants de notre âge. Chez Dufayel, qui est le premier cinéma où vous ayez été comme moi-même, c'était même très curieux parce qu'il y avait un speaker qui, sur la scène, commentait les films. Il était assis à une table et il avait devant lui un miroir dans lequel il tournait le dos. Il voyait ce qui se déroulait. Ça n'était pas comme le théâtre, naturellement, mais le théâtre était quelque chose de classique. On y allait parce que nos parents nous y envoyaient et qu'on avait naturellement un grand intérêt pour cela, mais le cinéma était né avec nous et ça faisait partie de notre existence. Oui, mais quand nous avons vu des films, vous et moi, il y a 15 ans que les premiers films avaient été montrés chez Lumière. Je vous dis, moi, c'était en 3 ou 4, 1903 ou 1904, et vous dites que ça a commencé en 95. Alors vous imaginez ce que pouvaient être ces petites bandes minuscules et rapides. Maintenant, il y a des erreurs dans le programme pour les témoignages. Il y a ce fameux train qui arrive de Rueil, qui, en réalité, je crois que c'est la Ciotat. C'est la Ciotat, à mon avis, c'est la Ciotat. Je peux vous donner le programme de la première séance, parce que personne ne nous l'a donné complet. Il y avait 10 films. La sortie de l'usine Lumière à Lyon, un film qui s'appelait La Voltige, La pêche aux poissons rouges, Le débarquement du congrès de photographie à Lyon, Les forgerons, Le jardinier, Le repas, Le saut à la couverture, La place des cordeliers à Lyon et La mer. C'est une merveilleuse petite invention qui est bien de chez nous, comme dirait notre ami Noël. Hein. Mais je crois, pour expliquer d'ailleurs l'absence d'intérêt que les gens ont porté d'abord au cinéma, que Mme Simone a raison lorsqu'elle dit que les gens ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Or, Les chercheurs sont rares, et les esprits comme pain élevé sont rares aussi. Bien sûr. Les gens ne s'intéressent à quelque chose qu'autant qu'on leur en a déjà créé le besoin. Oui, et puis c'est quand ils se sentent concernés, n'est-ce pas? Au spectacle, ils sont concernés, parce qu'il y a le héros, il y a l'héroïne. Mais il était bien que pour les gens qui simplement allaient voir bouger un type qui arrosait des fleurs, eh ben, il fallait vraiment un intérêt scientifique comme celui de pain levé pour se dire qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça peut devenir. Et le succès est venu quand, peu à peu, on s'est aperçu que cela pouvait être une bonne affaire, que ça a été une comme histoire. La radio éventuellement pour les constructeurs, comme telle autre invention, et c'est là où je ne suis pas de l'avis de Jean Haberlé, car si demain il y avait une invention très intéressante, je suis persuadé qu'on essaierait tout de suite de créer un marché autour, donc de créer le besoin, et à ce moment-là, les gens se sentiraient concernés. Vous croyez ? Vous voyez, il s'est intéressé quand il était petit garçon au film qui racontait une histoire. Ah oui, naturellement. Parce que naturellement, c'est toujours la même chose. Une fois qu'on raconte une histoire, on y prend part dans une mesure ou dans une autre, n'est-ce pas ? Tandis qu'évidemment, à ce moment-là, c'était en somme des actualités. Exactement. Et les gens venaient c'était ça comme... Même, mais c'était même presque pas des actualités. C'était des spectacles d'un désintéressement total, n'est-ce pas ? Non, mais les gens y allaient. On nous a dit qu'ils allaient voir la lanterne magique. Oui, oui. Puisque nous avons assisté, grâce à quelques témoins au début du cinéma, nous pourrions faire la même expérience que nous ferons dans quelques temps, si vous le voulez bien, avec les débuts de l'aviation. C'était Soyez témoins, une émission d'André Gillois, avec Madame Simone, Jean-Pierre Morfait, Jean Haberlé et quelques témoins des premières représentations du cinématographe Lumière dans les sous-sols du Grand Café. Ont collaboré à cette émission Florence Lièvre et Gaston Morfait. Montage radiophonique de Jacques Guinchard. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 18 avril 1956. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Millions of stars playing tag in the sky. All of my hopes living right in your eyes. So much at stake, and then I wake up. It shouldn't happen to a dream. Light-fingered clouds tuck the moon into bed. I feel your lips and my heart are afraid. Then comes the ache and then I wake up. It shouldn't happen to a dream. The flowers get happy and dance in the lane. The darn is no longer in view. We're meant for each other is perfectly plain. Each time you walk in my dream. Here comes the night, cutting capers again. Just for a while, you'll be with me and then. Above all the breaks again, I'll wake up. It shouldn't happen to a dream. The flowers get happy and dance in the lane. The dawn is no longer in view. We're meant for each other is perfectly plain. Each time you walk in my dream. Here comes the night, cutting capers again. Just for a while, you'll be with me and then. Above all the breaks again, I'll wake up. It shouldn't happen to you.